J'habite en face d'une maison qui est abandonnée. La maison en face de laquelle j'habite est abandonnée. J'habite au-dessus d'un restaurant qui est très connu. Le restaurant au-dessus duquel j'habite est très connu. Je travaille à côté d'un immeuble qui est en travaux. L'immeuble à côté duquel je travaille est en travaux. Je lis au milieu d'un jardin qui est en fleurs. Le jardin au milieu duquel je lis est en fleurs. Je travaille près d'un radiateur qui est très bruyant. Le radiateur près duquel je travaille est très bruyant.